baby reviens. Tchiki ah ah. Yo one. Tchiki ah ah. S'te plaît reviens. Tchiki ah ah. 1, 2. Oh baby reviens, j'ai besoin de toi. Chaque jour que Dieu fait guerre, je ne sais pas. Ce que je deviendrai seul sans toi. Tout step, tout step, tout step. Tu étais ma vie, je ne le savais pas. Oh baby reviens, j'ai besoin de toi. Chaque jour que Dieu fait guerre, je ne sais pas. Ce que je deviendrai seul sans toi. Tout step, tout step, tout step. Oh baby, je t'en prie, girl, pardonne-moi. Maintenant je sais, c'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Je ne savais pas ce que tu vivais. Je ne voyais pas ce que je te faisais. Avec mes ayors devant les autres ayors, je n'arrêtais pas de jouer avec toi, girl et player. Tout allait si bien entre nous avant que je ne foute ma merde et que je ne gâche tout. Te baby reviens, j'ai besoin de toi. Chaque jour que Dieu fait guerre, je ne sais pas. Ce que je deviendrai, ce que je te deviendrai. Je reste ma vie, je ne le savais pas. Oh baby reviens, j'ai besoin de toi. Chaque jour que Dieu fait guerre, je ne sais pas. Ce que je deviendrai, seul sans toi. Je t'en prie, girl, pardonne-moi. Mais qu'ai-je fait? Aujourd'hui, tu sais, je ne peux que regretter tout ce que j'ai fait, tout ce que je faisais. Girl, tu m'as beaucoup pardonné, c'est vrai. Mais j'ai persévéré dans ma stupidité. Et chaque fois que ça allait mal, je t'accusais. Je ne sais pas comment t'as fait, girl, pour me supporter. Tout le temps, je prie à genoux jour et nuit. Avec toutes mes conneries, mon amour pour toi j'ai trahi. Quand je me vois aujourd'hui, et maintenant que je suis plus carré dans ma vie, notre amour je veux reconstruire. Tu vois, maintenant je suis condamné pour toi. T'imagines pas ce que je ferais une dernière fois. Je te demande de me pardonner, car moi sans toi je ne puis exister. J'ai besoin de toi. Chaque jour que Dieu fait guerre, je ne sais pas. Ce que je deviendrai, ce que je te deviendrai. Je reste ma vie, je ne le savais pas. J'ai besoin de toi. Chaque jour que Dieu fait guerre, je ne sais pas. Ce que je deviendrai, seul sans toi. Je t'en prie, girl, pardonne-moi. Je t'en prie, girl, pardonne-moi. Ex, ex, ex, ex.